Kim Chul-sung, président de l'Association des Coréens en Russie pour la réunification, a adressé une lettre ouverte à la population sud-coréenne pour réclamer la démission de Park Geun-hye.